Chapitre 15. Te laisser aller à Paris, tout seul, jamais, s'écria Madame Brun lorsque 8 jours plus tard Marcel lui expliqua son intention de la quitter pour 24 heures. Mais, ma bonne amie, les affaires administratives, ta ta ta. Il n'y a pas d'affaires administratives qui puissent empêcher une femme d'accompagner son mari à Paris. J'irai avec toi ou tu n'iras pas, choisis. Et justement, j'ai besoin d'un chapeau. Marcel se rappela qu'André lui avait conseillé d'en rapporter un, et admira la prévoyance divinatrice de son ami. Mais la situation devenait périlleuse, car il connaissait assez sa femme pour savoir qu'elle l'accompagnerait partout, quitte à l'attendre dans une voiture de place à la porte des ministères, comme elle l'avait fait en plus d'une occurrence. Serait-il réduit, pour justifier son voyage, à aller faire dans les ministères des apparitions fictives et inutiles, demander par exemple à des concierges stupéfaits le nom d'employés imaginaires, à perdre des quarts d'heure entiers dans les corridors, au risque de se faire prendre pour un pickpocket anglais, pendant que Madame Brun, s'impatientant en fiacre, maudirait la lenteur des procédés officiels. Cette perspective, peu réjouissante par elle-même et qui dénotait cependant chez Marcel une longue habitude de déjouer la trop rigoureuse surveillance de sa fidèle épouse, n'était rien encore pourtant. Mais où déposerait-il sa meilleure moitié pendant la visite qu'il devait faire à Rose Rosier? Marcel Brun, en réponse à cette question, adressa une bénédiction mentale au fondateur des 4 ou 5 grands magasins de nouveautés, qui prévoyant sans doute le cas de Marie en semblable détresse, ont amoncelé sous une même coupole tout ce qui peut se vendre sous le ciel, afin de faire paraître les journées trop courtes aux acheteuses éblouies. Jadis, on avait le Palais Royal, mais depuis, nous avons fait dans cette voie de véritables pas de géant. « Je la planterai bien au Louvre ou au Bon Marché, » se dit-il, « mais ensuite, quelle explication lui donnerai-je ? » Tu viendras avec moi faire mes emplettes, n'est-ce pas ? Insista Madame Brun. Tu sais que je ne puis rien acheter sans toi. Très bien, pensa Marcel, me voilà prévenu. Nous verrons, dit-il tout haut. Après tout, il est encore possible que je ne sois pas obligé de partir. Ce serait bien dommage, répondit sa femme. J'ai grande envie d'aller faire un tour à Paris. Et nous dînerons au restaurant, n'est-ce pas ? Pas à l'hôtel, je déteste cela. C'est entendu, fit docilement Brun. Il passa 2 jours à chercher un moyen d'empêcher Madame Brun de l'accompagner, mais son esprit ne lui fournissait aucune ressource. Il en était d'autant plus ennuyé que Juste, consulté au sujet de cette complication dans leur projet, avait déclaré, étant donné les sentiments avoués de Madame Brun pour la jolie comédienne, qu'il était impossible de rendre visite à celle-ci, si celle-là persistait à faire le voyage. Or, comme Marcel n'avait d'autre but que de voir Rose, sa perplexité était grande. Brun était loin de soupçonner qu'il s'agit d'un mariage. Il croyait à quelques taquineries d'amoureux. Supposant à Juste André des sentiments dans le genre de ceux qu'il portait lui-même à la jeune femme, mélange d'adoration chevaleresque et de convoitise idéale, si tant est que ces deux mots puissent s'accoupler, il ne voyait rien de très répréhensible à parler de l'un à l'autre, sans s'oublier lui-même auprès de la comédienne. Sa passion pour Rose, l'objet des fureurs jalouses de Madame Brun, était une de ces folies demi-tendres, demi-railleuses, qu'on rencontrait assez souvent en province dans des circonstances analogues. Il eût été désolé de trahir sa femme pour la jeune actrice, et si celle-ci avait jeté les yeux sur lui, il se fût montré à coup sûr fort embarrassé de son bonheur. Mais faire des vers à Rose, lui apporter des bouquets et demander ce que nos aïeux appelaient des menus suffrages, tels que lui baiser la main et lui dire tout haut qu'il l'adorait, c'était là un plaisir de gourmet, presque de lettré, que Brun ne savait se refuser. Il ne tenait guère d'ailleurs à aller à Paris, n'étant d'abord poussé que par une certaine curiosité à l'égard de Juste et de Rose. Mais du moment où sa femme se mettait en travers de sa fantaisie, cette fantaisie devenait loi. Sa passion pour Rose, fort alanguie par l'éloignement, se réveilla avec une fraîcheur nouvelle, comme un enfant qui s'est reposé dans le sommeil. Et même, pendant ses heures de loisir, là de méditer toujours sur le même sujet, il fit pour la jeune comédienne des vers élégiaques fort tendres et tout à fait inspirés. Puisqu'un sort jaloux nous sépare, et que je ne puis admirer tes yeux dont la douceur m'égare, je ne veux plus rien espérer, etc. Les vers ne valaient rien. Les sentiments étaient faux. L'expression outrée et les rimes d'une mesquinerie bien regrettable. Mais il faut excuser quelques faiblesses dans un poète contraint de passer ses journées devant des papiers administratifs et ses soirées près de la prosaïque et pourtant toujours chère, Madame Brun. Les vers ne venaient pas bien. Marcel les copia et les recopia 10 fois, finit par se déclarer satisfait, et les mit dans son portefeuille, plié dans une enveloppe sur laquelle il écrivit « À Rose Rosier », puis l'attendit un hasard qui lui permit de faire une véritable escapade d'écolier. André avait écrit 5 ou 6 fois à Rose, sans recevoir autre chose que quelques paroles affectueusement banales qui ne promettaient rien. Il brûlait d'envie de partir lui-même, d'aller lui parler. Mais une crainte secrète de se trouver froissé par le milieu où il la verrait, par les gens qu'il rencontrerait autour d'elle, le retenait à Chartres. Pour se désennuyer, pour tromper son impatience, se disait-il, il allait presque chaque soir chez Langlois. Il trouvait Claire et Marguerite assises près de la table, non loin du berceau où dormait le bébé. Des ouvrages d'aiguilles destinés à parer ce véritable maître du logis prenaient figure entre leurs doigts. Et c'était des rires de joie quand elles tournaient et retournaient sur leurs poings fermés un petit bonnet ou une brassière avec ses petites manches bêtes à ravir, toutes droites, si drôles avec leur air mignon, naïf et incapable de quoi que ce soit. André s'amusait de leur rire et se réchauffait le cœur à leur tendresse pour ce petit être, venu depuis si peu de temps dans la vie et qui tenait déjà une si grande place dans les préoccupations de la famille. Il n'avait jamais fait grande attention aux enfants, les trouvant dignes de peu d'intérêt tant qu'ils n'avaient pas atteint l'âge d'homme. Mais ce jeune citoyen, tant choyé par les 2 jeunes femmes, prenait à ses yeux une importance capitale, et s'il avait mal dormi, ce qu'André lisait, dès son entrée dans les yeux consternés de Marguerite, il se prenait à lui souhaiter ardemment un meilleur repos pour la prochaine sieste. Absolument, comme si le sommeil du bébé Langlois était d'une importance sans rivale pour le maintien de l'équilibre européen. Il s'en voulait parfois de s'attarder à ses fadaises, mais le lendemain il retournait chez Langlois, invariablement attiré par le charme d'amour et de paix qui s'exhalait de cette heureuse demeure, charme assez profond et assez pénétrant pour endormir ses préoccupations aiguës et douloureuses. Les jours passaient ainsi, lorsqu'un matin, Brun sonna mystérieusement à la porte du jeune ingénieur, qui travaillait avec acharnement sur un plan compliqué. « J'ai trouvé, » murmura-t-il, en s'avançant vers le bureau avec toutes les précautions d'un traître de mélodrame. « Quoi ?» fit André en déposant son crayon. « Le prétexte, le voyage, la fugue. Je pars dans 1/2 heure. »« Ah ?» fit le jeune homme avec un grand frisson. Son cœur se serra comme s'il allait cesser de battre. « Oui ?» Je suis envoyé par l'administration pour faire les recherches concernant la cession à la ville d'une portion du terrain ayant appartenu à la cathédrale avant la Révolution et qui maintenant fait retour. « Grâce !» dit André en agitant ses mains suppliantes. « La phrase est longue, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'elle est bonne. Jamais Madame Brun ne pourra la répéter tout entière. « On t'envoie réellement ?» demanda le naïf ingénieur. Brun haussa les épaules. « Je me suis fait envoyer. Ou plutôt, je m'envoie moi-même. » « Puisque c'est de moi qui mène l'ordre. Quant à la portion du terrain, tu comprends que... »« Pour l'amour de Dieu !» fit Juste avec impatience. « Ne perds pas de temps en paroles inutiles. Tu vas voir Rose ?»« Oui. Quand reviendras-tu »« Pour cela, je n'en sais rien. »« Il me faut bien au moins 48 heures pour mes recherches. »« Alors écris-moi. »« Pouh !» fit Brun. « Les lettres, ça se perd. »« Télégraphie alors !» reprit André exaspéré. « Sous une forme indirecte, c'est une idée. » « Mais me comprendras-tu ? Sois tranquille, » dit l'ingénieur, ne pouvant s'empêcher de rire. « Maintenant, va-t'en, tu vas manquer le train. »« Non pas. Dis donc, André, passe chez ma femme tantôt pour lui demander de mes nouvelles. Tu ne sais rien, c'est entendu. »« Soit. » Ils se séparèrent. Juste avait 1000 recommandations à faire à son ami. Mais l'idée de son escapade jetait celui-ci dans une telle effervescence que les explications verbales étaient parfaitement inutiles. Il n'en aurait pas entendu un seul mot. André resta chez lui le cœur toujours serré, si peu de confiance réelle que lui inspira son messager. Celui-ci allait probablement dénouer une situation trop tendue. « De façon ou d'autre, se dit le jeune homme, il faut que cela finisse, car cela ne saurait durer plus longtemps. » Il ne s'attarda pas à ses pensées irritantes et se remit au travail, qui seul console et repose l'esprit tourmenté.